agent, dépourvu de sang, visage débitant, horreur, vide et blanc, mignonne petite sœur de vilaine, doublée d'une sainte horreur. La veille, les propagandes, l'information, on refait le monde, on refait le monde.